Activité 14. Madame Deval, c'est Arthur Gulvy, le professeur de guitare de votre fils. Je ne pourrai pas venir cet après-midi, mais demain, après le lycée, Léo peut rattraper le cours avec sa cousine Isabelle et Martin.